Elle délia un autre paquet. C'était une écriture nouvelle. Elle commença. « Je ne peux plus me passer de tes caresses. Je t'aime à devenir fou. » Rien de plus. Pas de nom. Elle retourna le papier sans comprendre. L'adresse portait bien. « Madame la baronne, le Pertuis des Vaux. » Alors, elle ouvrit la suivante. « Viens ce soir, dès qu'il sera sorti. Nous aurons une heure. Je t'adore. » Dans une autre, « J'ai passé une nuit de délire à te désirer vainement. J'avais ton corps dans mes bras, ta bouche sous mes lèvres, tes yeux sous mes yeux. Et puis, je me sentais des rages à me jeter par la fenêtre en songeant qu'à cette heure-là même, tu dormais à son côté, qu'il te possédait à son gré. » Jeanne, interdite, ne comprenait pas. Qu'était-ce que cela? À qui? Pour qui? De qui ces paroles d'amour? Elle continua, retrouvant toujours des déclarations éperdues, des rendez-vous avec des recommandations de prudence, puis toujours à la fin, ces quatre mots. Surtout, brûle cette lettre. Enfin, elle ouvrit un billet banal, une simple acceptation à dîner, mais de la même écriture et signée, Paul Dannemare, celui que Baron appelait, quand il parlait encore de lui, mon pauvre vieux Paul, et dont la femme avait été la meilleure amie de la baronne. Alors Jeanne, brusquement, fut effleurée d'un doute qui devint tout de suite une certitude. Sa mère l'avait eu pour amant. Et soudain, la tête éperdue, elle rejeta d'une secousse ses papiers infâmes, comme elle eût rejeté quelque bête venimeuse montée sur elle, et elle courut à la fenêtre, et elle se mit à pleurer affreusement, avec des cris involontaires qui lui déchiraient la gorge. Puis, tout son être se brisant, elle s'affaissa, au pied de la muraille, et, cachant son visage, pour qu'on n'entendît point ses gémissements, elle sanglota, abîmée, dans un désespoir insondable. Elle serait restée peut-être ainsi toute la nuit, mais un bruit de pas, dans la pièce voisine, la fit se redresser d'un bond. C'était son père, peut-être. Et toutes les lettres gisaient sur le lit et sur le plancher. Il lui suffirait d'en ouvrir une. Il saurait cela, lui. Elle s'élança, et, saisissant à poignée tous les vieux papiers jaunes, ceux des grands-parents et ceux de l'amant, et ceux qu'elle n'avait point dépliés, et ceux qui se trouvaient encore ficelés dans les tiroirs du secrétaire, elle les jetait en tas dans la cheminée. Puis, elle prit une des bougies qui brûlait sur la table de nuit et mit le feu à ce monceau de lettres. Une grande flamme jaillit, qui éclaira la chambre, la couche et le cadavre d'une lueur vive et dansante, dessinant en noir, sur le rideau blanc du fond du lit, le profil tremblotant du visage rigide et les lignes du corps énorme sous le drap. Quand il n'y eut plus qu'un amas de cendres au fond du foyer, elle retourna s'asseoir auprès de la fenêtre ouverte, comme si elle ne pût oser rester auprès de la morte, et elle se remit à pleurer, la figure dans ses mains, et, gémissant d'un ton navré, d'un ton de plainte désolée, « Oh, ma pauvre maman, oh, ma pauvre maman !» Et une atroce réflexion lui vint. Si petite mère n'était pas morte par hasard, si elle n'était qu'endormie d'un sommeil léthargique, si elle allait soudain se lever, parler, la connaissance de l'affreux secret n'amoindrirait-elle pas son amour filial? L'embrasserait-elle des mêmes lèvres pieuses? La chérirait-elle de la même affection sacrée? Non, ce n'était pas possible, et cette pensée lui déchira le cœur. La nuit s'effaçait, les étoiles pâlissaient, c'était l'heure fraîche qui précède le jour. La lune descendue allait s'enfoncer dans la mer qu'elle nacrait sur toute sa surface. Et le souvenir saisit Jeanne de cette nuit passée à la fenêtre lors de son arrivée au peuple. Comme c'était loin, comme tout était changé, comme l'avenir lui semblait différent. Et voilà que le ciel devint rose, d'un rose joyeux, amoureux, charmant. Elle regardait, surprise maintenant, comme devant un phénomène, cette radieuse éclosion du jour, se demandant s'il était possible que sur cette terre, où se levaient de pareilles aurores, il n'y eût ni joie, ni bonheur.